Bonjour Serena. Bonjour Paula. Alors aujourd'hui, on va faire le top cruise de la coupe de cheveux, hein, c'est ça? Oh oui. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Top. C'est le top cruise. Alors Serena, top cruise de la coupe de cheveux, qu'est-ce que c'est? Alors, allons-y. C'est les meilleures coupes de cheveux, les top 3. Ouais. Des meilleures coupes de cheveux de Tom Cruise. Alors, c'était très difficile de choisir parce que quand t'as des cheveux raides, ouais. Il a pas des super bonnes coupes, je dirais, tout le temps, mais il y en a trois qui sont quand même assez excellentes. Au numéro 3. Ouh, numéro 3. Rock Forever. Ah, c'est Jack. Bah, pareil, je trouve ses cheveux longs. C'est les cheveux les plus longs qu'il a, je crois, non? Oui. Bah, non, les stats, il a des cheveux plus longs, ah, mais. Oui. Mais bon, c'est ses cheveux, ils sont longs. En plus, ça va avec les maquillages un peu. Tu vois, il est toujours un peu maquillé. Pas mal. Au numéro 2. Numéro 2. Legend. Les magnifiques Jack. Jack, non, il s'appelle Jack. Jack, ben ouais. Dans Legend, je trouve, il y a des plans avec ses cheveux un peu en foutraque, là, qui ne sont pas très peignés. Moi, ouais. J'aime bien. Ah, tu vois, avec ça. La terre et tout, un peu sale. Très, très bonne coupe des cheveux. La coupe est décalée en bataille, ok. Ouais, c'est ça. Et le numéro 1 pour moi, absolument, c'est pas une coupe des cheveux longs, oh. Finalement. Oh, bah alors, surprise. Moi, je pensais que t'étais team cheveux longs, quoi. Non, oui, mais il là, y a non. Quand même la meilleure, je trouve, c'est quand il joue d'un horizon lointain. Tu sais, la coupe... Oui. Il a une coupe courte, oui. Mais un peu frisottée. Ouais, c'est ça. C'est et ça peu... lui va vraiment très bien. Ah, je trouve ouais. Qu'il est la plus belle coupe. Et jamais plus on aura trouvé une coupe qui lui allait aussi bien. Trop fort. Far and Away. Ah bah ouais, dis donc, qui l'a cru là. Ouais, Far and Away, qui l'a cru? Qui l'aurait cru? Oh, bah alors ça, donc un top cruise pour Far and Away. Bravo. Yes. Eh bien, on se retrouve demain. Oui, à demain. Des bisous.